Les victimes d'amour par Hector Malo. Tome 3e, Les enfants. Chapitre 1er, Nouvelle aurore. Le Plessis est un petit village bâti au milieu d'une de ces plaines de grande culture qui sont la richesse plutôt que la beauté de l'île de France. Il y a quelques années, il était continuellement plein de mouvements et de fracas. C'était la deuxième poste qu'on rencontrait en sortant de Paris. Sur la route, entre deux rangées de vieux ormes tortueux, les voitures se suivaient dans un éternel défilé. Malle-poste, diligence, chariots de roulage, berlines aux panneaux armoriés, fourgons de mareyeurs, charrettes de paysans, fardiers, tombereaux, baraques de saltimbanques, cabriolets de commis-voyageurs. Ni le jour, ni la nuit, ni l'été, ni l'hiver, ni jamais le mouvement ne s'arrêtait. Et les unes après les autres, les voitures passaient, toujours des voitures. Parfois le fracas augmentait. Pendant des jours entiers, des semaines entières, on entendait des clairons, des tambours, des marches guerrières, des cliquetis de sabres, des roulements de canons. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, allons, marchons. Les armées couraient à la frontière. Il y avait des anciens du pays qui se rappelaient avoir vu passer les grenadiers de la garde impériale. D'autres qui avaient vu les volontaires de la République. Avant cela, il y en avait eu d'autres, qui avait vu les troupes de Vendôme, de Turenne, de Condé. Puis, reculant toujours, d'autres encore qui avaient vu d'autres armées. Combien, parmi ceux qui avaient passé au Plessis, ne l'avaient traversé qu'une fois? Un petit ruisseau qui ne charrie de l'eau que dans les jours d'orage coupe le village en deux moitiés à peu près égales. Il faut descendre une côte pour y arriver, comme il faut monter une pour en sortir. Courtes toutes les deux, mais assez rapides. Le genre à la mode chez les postillons de la poste était de descendre la côte à toute volée et de s'arrêter net au ruisseau. Les postillons des relayeurs descendaient aussi la côte du même train, et de plus, ils montaient l'autre sans ralentir leur élan. Quand deux ou trois grandes diligences arrivaient en même temps, ce qui était l'ordinaire, les maisons étaient secouées comme par un tremblement de terre. Dans les cuisines des auberges, les casseroles de cuivre pendues à leurs clous faisaient un orchestre. Les vitres étaient tellement ébranlées qu'il fallait les remastiquer tous les ans. Personne ne s'en plaignait, la population se composant uniquement de postillons, de palefreniers, de charrons, de maréchaux, d'aubergistes. La nuit, les diligences disaient l'heure. Le jour, elles étaient une distraction. Qui tenait la tête? Il y avait les rivalités du maître de poste et des relayeurs. Il y avait aussi celles des femmes et des enfants des postillons. Ceux-ci étaient les rois du pays. Ils gagnaient de l'argent, vivait largement et faisait vivre tout le monde. Le jour où les chemins de fer s'ouvrirent, la vie s'éteignit dans le Plessis comme s'éteint la flamme d'une bougie sur laquelle on souffle, tout d'un coup et complètement. Aujourd'hui, sur la grande route rétrécie de moitié par des trottoirs gazonnés, l'herbe pousse entre les pavés qu'elle déchausse. Plus de diligence, plus de roulage, seulement le matin des charrettes chargées de fourrage que des chevaux de labour traînent en se dandinant vers Paris. Le soir, les mêmes qui reviennent chargés de fumier, et le mercredi, les cabriolets des fermiers des environs qui s'en vont à la halle au blé. Dans le village, sur trois maisons, deux tombent en ruine. La poste, brûlée quelques mois après l'ouverture du chemin de fer, par accident, disent les uns, autrement, disent les autres, n'a point été rebâtie. Les écuries des relayeurs ont été démolies pour faire des jardins. Le salpêtre accumulé pendant de longues années produit de superbes récoltes. De 8 ou 10 auberges, une seule reste. Encore n'a-t-elle que l'enseigne de celle d'autrefois. Plus de longues tables chargées de volailles et de fricandeaux, plus de fourneaux lançant des étincelles. Au lieu d'un bel aubergiste, bien entrepaillé et gras de son importance, rouge comme sa braise, suant comme les rôtis qui tournent étagés devant son feu, un pauvre diable de paysan maigre et chagrin, heureux quand il voit entrer des charretiers qui viennent manger un bout de boudin cru et boire une bouteille de vin bouché. Les postillons ont disparu, sans qu'on puisse dire ce qu'ils sont devenus. Les mendiants qui s'étaient enrichis à montrer des moignons hideux ou des jambes en bandoulière s'en sont allés vivre de leur rente. Ceux qui, n'ayant point d'infirmité, n'avaient rien amassé, sont morts de faim. La population a diminué de plus des trois quarts. Les femmes font de la broderie pour des entrepreneurs de Paris. Les hommes travaillent à la terre, et c'est à peine s'ils sont assez nombreux pour fournir les 10 citoyens qui doivent former le conseil municipal. Une seule maison dans ce village abandonné et ruiné à bonne apparence. Encore n'est-elle pas à proprement parler dans le village, mais à une petite distance, sur un chemin charrois qui, partant de la grande route, s'en va à travers les terres. Autrefois, c'était un prieuré. Aujourd'hui, c'est une ferme. Lorsqu'elle cessa d'être bien de clergé, cette maison devint la propriété du maître de poste, qui ne l'habita point, mais qui utilisa ses vastes dépendances pour engranger les fourrages. Elle fut mise en vente lorsque la poste se trouva supprimée, et pendant longtemps, malgré le bas prix qu'on en demandait, il ne se présenta point d'acquéreur. Il en fut d'elle comme de presque toutes les maisons du Plessis. La mousse verdit son toit, ses volets tombèrent en pourriture, les orties poussaient en liberté dans sa cour. Un jour enfin, on fut tout surpris d'apprendre qu'elle était vendue, et le lendemain, plus surpris encore, de voir arriver des ouvriers. Les bâtiments d'exploitation furent remis en état. La maison, qui datait de Henri IV et qui avait assez grand air, fut réparée à l'extérieur et à l'intérieur dans le style même de sa construction. Le nouveau propriétaire se nommait M. Martel, au dire du notaire de Villeneuve, devant lequel avait été passé l'acte de vente. C'était un artiste, un peintre, qui voulait s'amuser à faire de l'agriculture. Cette nouvelle, malgré celui qu'il avait donné, parut tout d'abord invraisemblable. Elle était parfaitement exacte. M. Martel loua toutes les bonnes terres qu'il put trouver, et les réparations de la maison à peu près achevées, il vint s'établir au prieuré avec sa femme et ses deux enfants. On aime peu à la campagne les nouveaux venus. Cependant, les fortes têtes du pays furent contentes de cette arrivée. Le Parisien ferait de la culture en amateur. Il y aurait pas mal à gagner sur lui et avec lui. Il fallut bientôt en rabattre. 3 ans après son installation au Plessis, sa ferme passait pour la mieux tenue des environs. Ses charrues nouvelles, ses machines perfectionnées ne l'avaient pas ruiné. Ses terres étaient bien aménagées, ses récoltes bonnes. Son maître charretier ne le menait point, c'était lui-même qui menait tout son monde. Il payait bien, mais il ne se laissait pas voler. Chez lui, les gens trouvaient bonne parole et bonne nourriture. Le bourgeois était bien un peu vif, mais juste et droit. La bourgeoise, bonne comme le pain. La seule chose peut-être que le Plessis eût conservé du temps de sa splendeur, c'était l'habitude de vivre sur les portes. Rien ne se passait plus sur cette route qui autrefois offrait un éternel spectacle. Cependant, personne ne la quittait des yeux. Il semblait que chacun s'attendait à voir arriver d'un instant à l'autre les diligences en retard de 20 ans. L'hiver, les femmes travaillaient à leurs fenêtres, l'été sur la grande route à l'ombre des maisons, c'est-à-dire à l'est le matin, à l'ouest le soir. Là, tout en poussant l'aiguille et en surveillant les enfants, se faisait le journal du pays. La mairie donnait la partie politique, les petits accidents de chaque jour fournissaient les faits divers, les histoires amoureuses ou scandaleuses, un feuilleton fortement réaliste, les questions de travail et de salaire, la matière économique. Une après-midi du mois d'août, les groupes étaient formés comme à l'ordinaire et le journal se faisait dans une active collaboration, douloureuse ce jour-là, car les entrepreneurs de Paris venaient encore de réduire de 2 sous le travail déjà bien peu payé, lorsque tout à coup les yeux se levèrent et les aiguilles restèrent suspendues. Un homme vêtu d'une soutane et coiffé d'un tricorne venait de paraître sur le seuil d'une maison qui joignait immédiatement l'église. « Tiens, voilà le curé Blavier, » dit une des femmes. « Où va-t-il ? » dit une autre. « Je gage qu'il va à la ferme. »« Tu as peut-être raison, il vient de notre côté. » En effet, il s'avançait, marchant de ce pas court et glissé qui est commun à beaucoup de prêtres. C'était un homme de 30 ans à peine, qui, bien que fortement bâti et plutôt gras que maigre, était extrêmement pâle. Arrivé devant le groupe des femmes, il les salua légèrement sans tourner les yeux vers elles et hâta un peu le pas. Lorsqu'il fut passé, les conversations reprirent. « As-tu vu qu'il a forcé sa marche ? Il a toujours peur d'entendre ce qu'on dit. »« Oui, il ne vous écoute pas en face, mais ça n'empêche pas qu'il est toujours derrière ses rideaux et la fenêtre ouverte. La prochaine fois qu'il passera, je veux faire monter la couleur sur sa figure pâle. Vois-tu que j'avais raison, qu'il va chez M. Martel ? Pourquoi qu'il n'irait pas ? Pourquoi qu'il irait ? Ils ne sont pas dévots et il est toujours fourré chez eux. Crois-tu pas que c'est pour eux ? C'est peut-être pour Madame Martel. Vas-tu te taire ? Qu'est-ce qu'il t'a donc fait ? Ce monde-là, tu les défends ? Eh bien, et toi ? Si le feu prenait leur meule, j'y porterais de l'eau pour l'éteindre, voilà tout. Laisse donc, Madame Martel. Ce n'est ni pour elle, ni pour les enfants, ni pour M. Martel qu'il y va. Il y a un mois, j'étais au presbytère pour le baptême de ma petite. Le curé était en train de dîner. Il mangeait du melon et des petits haricots. D'où cela venait-il ? Du jardin de la ferme. C'était pour lui aider à faire maigre. ils aiment à donner ces gens, et le curé aime à recevoir, ça s'arrange. » La conversation a pu rouler longtemps sur le compte du curé, qui n'était point aimé, mais elle changea brusquement. Au haut de la côte de Paris venait d'apparaître une petite voiture basse en osier, traînée par deux chevaux qui descendaient au grand trot. Ils étaient conduits par un petit homme extrêmement blond, à l'attitude pleine d'aisance et de noblesse. Derrière était un domestique en petite livrée. Le poney-chaise, vigoureusement enlevé, passa rapidement devant les femmes. « Tiens, le prince de Coy, celui de Villiers, en connais-tu un autre? Est-ce qu'il va aussi à la ferme? Acheter du foin, peut-être. Pourquoi qu'il n'irait pas voir M. Martel? Ton Martel est-il un prince pour que les princes aillent lui faire visite ?» La voiture rejoignit le curé, qui, ne craignant plus les propos gouailleurs, montait doucement la côte. « Le prince va-t-il saluer le curé ?»« Pardi, le curé était vicaire à Villiers. » « Ah, tant pis, ça aurait fait rager le curé qui salue toujours. » Non seulement M. de Coy salua l'abbé Blavier, mais encore il arrêta ses chevaux lorsqu'il arriva près de lui. « Parbleu, monsieur le curé, » dit-il en se penchant un peu hors de la voiture. « Je suis bien aise de vous rencontrer, pour vous d'abord, et puis vous allez me tirer d'embarras. Où demeure donc M. Martel? On m'avait dit à la sortie du Plessis, je ne vois plus de maison. Ce n'est pas sur la route. » C'est cet amas de bâtiments que nous apercevons là, dans la plaine. Il faut tourner au premier chemin à gauche. Moi-même, j'y vais. Eh bien, montez, nous irons ensemble. Vous me conduirez et vous m'introduirez. Je connais le talent de M. Martel, mais je ne le connais pas lui-même. Le curé se fit un peu prier. Il irait bien à pied. Il allait remplir la voiture de poussière. Cependant, son humilité céda. « C'est un grand peintre, » dit-il d'un ton qui faisait de ses paroles une interrogation aussi bien qu'une affirmation. Il rend tous les jours votre pays célèbre en le prenant pour sujet de ses études. Une idée originale de se faire cultivateur quand on est artiste. Une idée excellente, monsieur le curé, pour qui a besoin d'être en communication intime et continuelle avec la nature et le paysan. D'ailleurs, vous ne croyez pas assurément que la culture soit un métier maudit, comme disent nos fermiers. Assurément, le curé ne le croyait pas. Seulement, fils de paysan, c'était pour ne pas piocher la terre qu'il avait pioché le latin du séminaire. Pas maudit, un métier où l'on travaillait tant, où l'on mangeait si mal, mais il ne lui convenait pas de contredire un homme qui avait une immense fortune, qui était prince, qui obtenait ce qu'il voulait du préfet et qui recevait chez lui monseigneur. C'est toujours une idée qui a été bonne pour le pays. Il donne du travail aux ouvriers, madame fait du bien aux malheureux, et dans notre village ruiné, il y en a beaucoup. Y a-t-il longtemps qu'il est marié? Ils ont un petit garçon de 3 ans. De son premier mariage, madame avait déjà une petite fille. Elle était veuve d'un musicien, un monsieur Berthaud, qui s'est noyé en Italie. Les journaux ont rapporté l'accident il y a environ 4 ou 5 ans. On approchait, mais lentement, car monsieur de Coy maintenait ses chevaux au pas. Tout en causant, il regardait à droite et à gauche dans les champs. On finissait de rentrer les blés, et l'on commençait à couper les avoines qui s'égrenaient déjà sous le souffle d'un vent tiède. Au milieu de la plaine, la ferme commençait à se dessiner dans son ensemble qui formait un grand carré de murs blancs et de toits rouges. Par-dessus la cime des grands arbres, on apercevait les combles de la maison couronnée par de hautes cheminées. « Pour une exploitation agricole, dit M. de Coy, cet emplacement est bien choisi. La surveillance est facile. Et il y a économie de temps et de dépenses pour les transports. C'était un bien d'abbaye, et le clergé savait choisir. Ça n'a pas empêché qu'on nous ait dépouillés. « Eh, mon cher curé, » dit M. de Coy en souriant doucement, « c'est peut-être précisément parce que vous aviez généralement trop bien choisi qu'on vous a dépouillé. » Encore une opinion qui, dans la bouche de tout autre, eût été vertement relevée par l'abbé, mais qui cette fois passa sans contestation. Si l'emplacement était heureux pour une ferme, il l'était moins pour une maison d'habitation, car tout autour c'était là une plaine plate et monotone, qui s'en allait fuyant confusément jusqu'à des collines noyées dans un lointain bleuâtre. Son seul agrément était un grand et beau jardin à la française, où les arbres, autrefois taillés au cordeau, mais depuis longtemps libres, avaient pris un magnifique développement. De place en place, dans les vieux murs chaperonnés de lierre, on avait, en ces dernières années, formé des sauts de loup qui ouvraient pour la maison des perspectives sur toute la campagne. Par ces ouvertures, ceux qui passaient dans le chemin pouvait voir que le jardin avait aussi été un peu modifié. Les vieux arbres, les ifs centenaires, les tilleuls creusés et moisis par l'âge, les charmilles avaient été conservés, mais sur les carrés symétriques ensemencés maintenant d'une herbe fine, soigneusement tondue et roulée. C'était l'aide de belles corbeilles de fleurs exotiques inconnues au temps où les prieurs régnaient. Des rhododendrons à la tête arrondie, des géraniums rouges et toute la tribu des balisiers de l'Inde. Ça et là se dressait, fièrement isolée, une de ces plantes au feuillage énorme qui font voyager l'esprit dans les contrées lointaines, un bambou, un palmier, une touffe de l'herbe gigantesque des pampas. Dans les plates-bandes, on n'avait point arraché les vieilles roses à 100 feuilles, mais on y avait ajouté toutes ces belles roses que 50 années de travail et de choix ont créées. Les glycines et des jasmins égayaient en les rajeunissant les murailles sombres de la maison qui émergeaient ainsi d'une cascade de verdure. Après avoir longé les murs de ce jardin, la voiture arriva devant une grande porte charretière. Elle ouvrait sur une cour intérieure. Les bâtiments d'exploitation formaient trois côtés de cette cour, la maison formait le quatrième. « Nous pouvons entrer, » dit le curé. Mais M. de Coy ne se rendit pas à cet avis. Il s'arrêta devant la porte, et pendant que le domestique tenait les chevaux, il fit descendre le curé et descendit lui-même. Ils entrèrent dans la cour qui était silencieuse, car le soleil tombant d'aplomb dans ce carré de murailles produisait une chaleur suffocante qui avait forcé les volailles à chercher un peu d'ombre au pied des murs où elles dormaient tranquillement. Au bruit des pas du prince et du curé, les oies s'éveillèrent et poussant leurs cris nasillards, elles accoururent en soufflant. Presque aussitôt, sur le seuil de la cuisine, parut une fille de service. « Monsieur Martel est-il chez lui ?» demanda l'abbé Blavier. Avant de répondre, la fille prit un fouet suspendu à un clou, en cingla un grand coup à un jarre qui soufflait plus fort que les autres. Ce fut seulement quand elle eut accompli ce devoir hospitalier qu'elle revint et ouvrit une porte. Ils se trouvèrent dans un atelier très simplement meublé, mais vaste, haut de plafond et admirablement éclairé. Aux murailles étaient suspendues deux grandes copies, une du Titien, le Jupiter Satyre, l'autre du Corrège, la Nuit, et quelques études originales. Sur un chevalet était une toile en train et presque achevée. Monsieur de Coy marcha droit au chevalet et se mit à examiner le tableau. Au milieu d'une prairie, un faucheur, assis sur l'andin d'herbe qu'il venait de couper, était en train de rebattre sa faux. Relevant la tête et s'interrompant dans son mouvement, il restait, le marteau suspendu, à regarder venir dans le sentier qui, du village coupé à travers les prairies, sa vieille femme, misérablement voûtée, lui apportant la soupe de midi. « Je vous ai dit que M. Martel était un artiste de grand talent, voici qui le prouve, » fit M. de Coy en se tournant vers le curé. « On ne peut rien inventer de plus simple que ce tableau, mais cette simplicité de la vie des champs, relevée par une poésie robuste dans le paysage et par un style d'une vérité poignante dans l'interprétation du paysan, vous pénètre d'une émotion douloureuse et charmante, et comme c'est peint. « Nous voyons ça tous les jours, » dit le curé. « Précisément. » fit M. de Coy en se retournant vivement, c'est là son grand mérite. Mais il n'eut pas le temps de relever l'observation du curé. En ce moment, entré dans l'atelier, un homme de 32 à 34 ans, qu'à son costume de toile, on eût pu prendre pour un paysan, mais que sa beauté mâle, à la puissance de son regard, à l'aisance de sa démarche, on devait reconnaître bien vite pour le maître de la maison. « Mon cher Monsieur Martel, » dit le curé en allant au-devant de lui, « j'ai rencontré Monsieur le prince de Coy qui venait chez vous et qui m'a pris pour guide. » Les premières politesses échangées, le curé reprit la parole. « Maintenant que mon devoir est accompli, » dit-il, « je vous demande la permission de vous quitter. J'ai affaire auprès de Madame Martel, à qui je voudrais demander des secours. » Il débita ce petit discours d'une voix douce et onctueuse, et après avoir salué humblement le prince, amicalement Monsieur Martel, il sortit en glissant. Prononcé dans un atelier de peintre ou de sculpteur, le nom de M. de Coy rendait les murailles elles-mêmes attentives. Riche d'au moins 1 500 000 francs de rente, le prince dépensait la plus grande partie de son énorme revenu en commandes et en acquisitions d'objets d'art. Son château de Villiers était un musée universel, plus célèbre encore peut-être par le goût et le talent qui avaient dirigé sa composition que par les richesses qu'il renfermait. Aussi, sans jamais avoir été présenté au prince, Martel le connaissait-il parfaitement. Lorsque l'abbé Blavier les eut laissés seuls, M. de Coy prit une chaise, puis, d'un ton affable, plein d'une exquise politesse et en même temps d'une dignité douce, il exposa le sujet de sa visite. « Votre voisin et votre admirateur, dit-il, je désirais depuis longtemps vous faire une visite. Mais comme je voulais aussi vous proposer un travail, j'étais forcé, par diverses circonstances, de la retarder. » Il y a 2 ans, je m'occupais à classer mes émaux et j'étais tout aux émaux. Cette année, j'étais tout aux médailles. Or, comme j'ai l'esprit le plus étroitement méthodique qu'on puisse trouver, il ne m'est possible de m'occuper activement que d'une seule chose à la fois. C'est en tendant mon esprit sur une idée unique que je puis me passionner pour elle, et comme par ma naissance je suis déshérité de l'ambition politique, par ma fortune de l'ambition financière, ce sont ces passions que je me donne qui me font vivre. Maintenant, je veux faire de l'agriculture en grand, d'une façon large et autant que possible intelligente. 2 de mes fermes qui entourent immédiatement Villiers arrivent à fin de bail. Je les reprends pour les exploiter moi-même. Cela va me donner 450 hectares de terre pour mes expériences. Mais à côté de la partie matérielle, mon projet comprend une partie intellectuelle. Je veux réunir une bibliothèque d'agriculture où se trouveront tous les livres anciens et modernes qui ont rapport à cette science. Cette bibliothèque, je veux la loger dans une galerie qui lui sera spécialement affectée. Et je viens vous demander si vous pouvez me la décorer. » Martel avait attentivement écouté M. de Coy, charmé de sa bonne grâce, mais ne sachant trop où il voulait en venir, ses dernières paroles le transportèrent de joie. C'était le premier encouragement incontestable et éclatant qu'il recevait. C'était une de ces consécrations qui affirment un talent et cotent officiellement une réputation. Divisée sur son compte, la critique, lorsqu'elle s'était occupée de lui, avait toujours été presque aussi maladroite dans l'attaque que dans la loge. Unanime à son sujet, les jurys, si tendrement favorables aux médiocrités, l'avaient toujours maintenu dans des récompenses dérisoires qui sont une injustice quand elles ne sont pas une injure. M. de Coy, qui n'avait jamais accueilli à Villiers que des maîtres universellement reconnus ou hardiment pressentis, le rangeait donc parmi ceux-ci. Il y avait dans ce choix de quoi enorgueillir les plus fiers. Aussi sa voix était-elle émue lorsqu'il répondit « Je n'ai pas un tableau au Luxembourg. Jamais on n'a pensé à moi pour une commande. Jugez si je suis heureux de votre proposition. » « La galerie que je vous destine, continua M. de Coy, prend jour sur le nord par 12 fenêtres. En face de chaque fenêtre et sur le mur opposé se trouve une grande glace. C'est quelque chose dans le genre de la galerie d'Apollon, ou plus justement, pour garder la mesure, dans le genre de la galerie de la banque, que vous connaissez peut-être. Je veux remplacer ces glaces par des toiles, qui auront pour sujet les 12 mois. Cela vous convient-il ? Martel s'inclina. M. de Coy poursuivit. J'avais peur que vous n'eussiez des travaux en train, et cela m'eût fort contrarié. Vous êtes l'artiste dont le talent répond à mon idée. Je veux, comme cadre à ma bibliothèque, une série d'œuvres qui montrent ce qu'est aujourd'hui la vie des champs, sans une sentimentalité fausse, comme sans des déclamations philosophiques. Si je ne m'occupe que d'une idée à la fois, je prépare mes projets longtemps à l'avance. Depuis longtemps, je vous suis. Vous avez vu que le paysan, malgré les finauderies dont il s'enveloppe, n'était ni une bête puante ni un héros de vertu. Vous l'avez traduit comme vous le voyez avec ses grandeurs et ses faiblesses, ses souffrances et ses joies. Vous l'avez fait entrer dans l'art en même temps que les circonstances le faisaient entrer dans la vie politique. J'ai été frappé de cette coïncidence et je vous ai choisi. Maintenant que vous acceptez, j'ai hâte de vous savoir au travail. Quand voulez-vous venir voir la salle qui recevra vos toiles? Mais demain, après-demain? Non. Donnez-moi vous-même, je vous prie, le jour où vous me ferez l'honneur de venir déjeuner avec moi. Vous me direz alors quel délai vous sera nécessaire pour votre travail, et vous me fixerez vos conditions. Ce que je vous demande seulement, c'est de disposer pour moi de toute votre journée. Je veux vous montrer Villiers, et je veux aussi vous demander des conseils pour mes fermes. Martel voulut se défendre. Et pourquoi pas ? Reprit M. de Coy. Vous avez fait précisément ce que je veux faire. À quelle meilleure expérience pourrais-je recourir ? Votre ferme n'était pas un modèle. » Les éloges qui s'adressaient à son talent, Martel les avait écoutés avec une réelle béatitude, mais ces derniers compliments l'inquiétèrent. « Ce grand seigneur voudrait-il se moquer de moi » pensa-t-il. « Quand j'ai quitté Paris, dit-il, j'ai acheté cette maison et j'ai loué aux alentours 100 hectares de terre. Je voulais vivre avec les paysans et les étudier de près. J'ai cru qu'il m'était plus profitable d'être toujours en communication immédiate avec mes sujets d'études que d'aller les chercher au hasard quand j'en avais besoin. Il y a une intensité d'impression qui doit passer dans l'interprétation. Elle ne s'obtient que par le contact journalier de la vie en commun, et elle s'évapore vite. À Paris, tout est distraction, ici, tout m'est travail. De cet atelier même, je vois ce qui me touche et m'intéresse. Je n'ai qu'à regarder. » Lisant cela, il fit glisser sur sa tringle un épais rideau de serge qui arrêtait la lumière et masquait une large fenêtre. Immédiatement, au-dessous, était le jardin descendant doucement jusqu'à une petite prairie tortueuse comme la rue qui courait au milieu. Au-delà, jusqu'à l'horizon, s'étalait la campagne, en ce moment remplie de travailleurs, de mouvements et de bruits. On liait les blés, et les gerbes à peine faites étaient enlevées au bout des fourches fières et chargées sur les voitures qui oscillaient en se hâtant vers les granges. On entendait des essieux qui criaient, des claquements de fouets, des hennissements de chevaux, et aussi le son clair et sonore des faux qu'on aiguisait. « Par là, continua Martel, j'ai les grandes lignes, le ciel, les nuages, les arbres et la plaine qui s'étend assez au loin pour figurer l'horizon voûté de la mer. Par ici, il se retourna et montra la porte qui donnait sur la cour intérieure, j'ai la vie en détail, l'homme lui-même et la bête. Voilà comment ma ferme est un modèle, mais ce n'est pas, vous le voyez, dans le sens que vous l'entendiez. Enfin, elle peut aussi, dit M. de Coy, en être un pour moi, et d'un autre genre. Voulez-vous me permettre d'en juger ? Assurément, répondit Martel, avec grand plaisir. Et il ouvrit la porte qui donnait sur la cour. Ce n'était pas une de ces belles cours de ferme comme on en voit en Normandie et dans le Maine, où sont des pommiers trapus, dans une herbe qui leur monte jusqu'au ventre, paissent en liberté des vaches et des juments avec leurs poulains. C'était une vraie cour du Parisis et du Josas, sans un arbre et sans un brin de verdure, plus propre seulement et moins encombrée que celle qu'on rencontre communément. « Où donc mettez-vous vos fumiers ?» demanda M. de Coy, surpris de cette propreté. « Je les tire presque tous de Paris, d'où les rapportent le soir mes voitures qui le matin s'en vont chargées de fourrage. Et alors je les fais déposer dans des fosses à l'entrée du village. Quant à ceux que font les bêtes de la ferme, on les emmagasine dans les étables. Si vous voulez entrer dans cette écurie, vous verrez que c'est fort commode. » Le sol, au lieu d'être recouvert d'un pavage, était formé d'un plancher percé de trous et légèrement incliné vers un passage de service. Par ces trous, poursuivit Martel, et par la claire-voie du pavage, les fumiers tombent dans la cave qui est au-dessous, où, quand il fait très chaud, on le mélange avec un peu de terre pour empêcher le dégagement des gaz. Vous voyez que c'est fort propre, fort simple, et surtout fort économique, puisque cela épargne la paille et la litière. Et vos chevaux se trouvent bien dans ce lit à la dure ? Très bien. Le système est bon pour toutes les bêtes. Chez les Anglais, les bêtes, une fois entrées dans ces cages, ne sortent plus que pour aller à la boucherie. C'est la prison cellulaire appliquée à l'espèce animale. Elles y vivent, dit-on, fort bien. J'avoue que pour moi, je n'aurais jamais le courage de claquemurer ainsi de pauvres bêtes qui font si bien dans le paysage. Mais c'est là parler en peinture et non en cultivateur. Heureusement, je n'ai que des chevaux, et comme ils sont dehors toute la journée, ils ne sont pas plus malheureux dans ces écuries nouvelles qu'ils ne l'étaient dans les anciennes. « Eh bien, vous reconnaissez, dit M. de Coy, que je n'avais pas tort de vouloir voir. J'enverrai mon architecte étudier ces écuries. Mais soyez sans crainte, je serai aussi sentimental et aussi artiste que vous. Je n'y enfermerai pas mes bêtes à perpétuité. » Il voulut tout visiter en détail, les granges, la batteuse mécanique, les charrues et les herses perfectionnées qui étaient rangées sous le chartil. La bergerie où les mangeoires étaient disposées d'après le système anglais. Comme ils sortaient de cette bergerie, ils aperçurent devant eux l'abbé Blavier. Auprès de lui était une jeune femme vêtue d'une robe grise très simple, la tête cachée sous un large chapeau de paille. Dans un coin, une fille de basse-cour était en train de saigner une poule. « Madame Martel ?» demanda M. de Coy. Martel fit un signe affirmatif. « Puisque le hasard est assez intelligent pour me la faire rencontrer, « voulez-vous être assez bon pour me présenter ?» À leur approche, la jeune femme releva la tête, et M. de Coy put embrasser l'ensemble de ses traits, malgré l'ombre qui, des bords du chapeau, tombait jusque sur ses épaules. Elle lui parut presque aussi blonde que les épis qu'on voyait dans les granges, et extrêmement jolie. Cependant, ce qui frappait le plus en elle, ce n'était ni l'éclair de sa carnation, ni la beauté de ses yeux, mais une grâce naïve, un air de simplicité et de douceur, de vivacité et de retenue qui se dégageait de toute sa personne. La présentation était à peine achevée, que l'abbé Blavier, avec sa timidité naturelle et aussi avec l'ostentation d'humilité qu'il montrait en tout, voulut se retirer. On voulut le retenir, il insista. « J'enverrai ce soir chez la mère Cresson, » dit Madame Martel, « et j'irai demain matin. »« Madame, » lui dit M. de Coy, lorsque l'abbé se fut éloigné, « M. Martel a bien voulu me promettre de venir très prochainement déjeuner avec moi. Voulez-vous me faire la grâce de l'accompagner et de fixer vous-même le jour ? je serai heureux de vous montrer Villiers. » Être invité à Villiers était un honneur que beaucoup souhaitaient sans pouvoir l'obtenir, car le prince, très sévère dans ses relations et très réservé lui-même, ne le prodiguait point. Cela était connu de tout le monde. À ce moment, on entendit des cris et des batteries de coups de fouet. En même temps, les outrons qui étaient là coururent vers la grande porte et deux ou trois servantes sortirent de la cuisine portant des vases pleins d'eau. « Qu'est-ce donc ?» demanda M. de Coy. « C'est la dernière voiture de blé et les outrons, vous le savez, s'en font une petite fête. » En effet, on aperçut au tournant du chemin une grande voiture de blé qui s'avançait tirée par cinq vigoureux chevaux. Son chargement de gerbes se balançait mollement comme un navire sur une mer ondoyante. Au milieu des gerbes se dressait un petit sapin enguirlandé de faveurs roses. Au collier du cheval de devant était attachée une glane enrubannée aussi. Au pied du sapin, sur la voiture, étaient assis deux enfants et auprès une bonne qui les tenait. Dans le nuage de poussière soulevé par les roues et les chevaux venaient sept ou huit moissonneurs. En voyant ceux qui l'attendaient pour l'arroser, le charretier lança deux ou trois coups de fouet à ses chevaux, excita de la bride son limonier, et la voiture fut vigoureusement enlevée. « Marie-Ange, tenez bien les enfants, » dit Martel. « À l'eau chaude, à l'eau froide !» se mirent à crier ceux qui étaient rangés sous la grande porte en préparant les vases dont ils s'étaient armés. Mais au même instant, les chevaux s'engagèrent sous la voûte. Le charretier fit entendre un sifflement. Des étincelles jaillirent du pavé frappé par le fer, et avant que chacun eût le temps de diriger son eau, la voiture passa et se rangea devant la grange. Chevaux, enfants, gerbes étaient à peine mouillés. On posa une échelle contre la voiture et le charretier descendit dans ses bras une petite fille de 7 ou 8 ans et un petit garçon. « Vos enfants ?» demanda M. de Coy. « Ils ont voulu monter sur la dernière voiture. C'était pour eux une fête. » Ils accoururent à leur mère, tout haletant encore de leurs cris et de leurs rires. Le poney-chaise était devant la porte. M. de Coy fit signe à son domestique d'approcher. « Nous avons été interrompus, » dit-il en se tournant vers Mme Martel, « au moment où je vous priais de me fixer le jour de votre visite à Villiers. Est-ce cette semaine ? Les enfants trouveront quelqu'un pour jouer. Ce sera un plaisir pour ma fille, qui n'ayant plus de mère, est toujours seule. » Et se tournant vers la petite fille, « Voulez-vous venir chez moi, mademoiselle ?» Elle le regarda en souriant de ses grands yeux noirs, puis, sans répondre, elle regarda sa mère. « Moi, je veux bien, » dit le petit garçon, « dans votre belle voiture. » « Puisque tout le monde accepte, » dit le prince, « vous ne me refuserez point, n'est-ce pas ? Alors, pour quel jour ? Lundi ? Mardi ? Mardi, si vous voulez bien. Alors à mardi. Il me semble qu'en vous montrant Villiers, je le verrai aussi. » Cela dit, gracieusement, s'adressant à tous deux, il monta en voiture, et ayant salué une dernière fois de sa main, il toucha les chevaux qui partirent avec ensemble. « J'ai craint un moment de te voir refuser le prince, » dit Martel en se tournant vers sa femme. Il m'a semblé que tes regards me disaient d'accepter. Le prince, ma chère Armande, vient de me donner une galerie entière à décorer, 12 grandes toiles. À Villiers ? Oui. Pouvions-nous ne pas nous montrer reconnaissants de son invitation ? Dans mon trouble de joie, je ne savais comment te prévenir. Elle lui tendit la main par un geste plein d'élan et d'effusion. Puis, tout à coup, elle se baissa, enleva son fils dans ses bras et l'embrassa. « Eh bien, et le dîner ?» cria une voix derrière eux. Charvet s'ennuie, dit Martel, « ne le faisons pas attendre. Donne-moi Julien. » Il prit l'enfant à son cou. « Moi aussi, » dit la petite fille cependant à lui. « Et Victorine aussi, » dit-il en l'enlevant de l'autre bras. Il n'est pas dans une maison de pièces qui dise mieux le caractère et les habitudes des maîtres que la salle à manger. Le salon a toujours quelque chose d'obligé et d'endimanché qui égare les inductions. « Montre-moi où tu manges, je te dirai qui tu es, » est aussi vrai que le mot « dis-moi qui tu hantes ». La salle dans laquelle ils entrèrent, grande et haute, prenait jour sur le jardin par 3 fenêtres. Lorsque Martel avait acheté sa maison, il avait trouvé cette pièce un peu moins délabrée que les autres, grâce à une épaisse couche de peinture blanche qui avait empêché les boiseries de pourrir. Débarrassées de leurs badigeons, passées au broc de noix, encaustiquées et brossées, ces boiseries s'étaient montrées magnifiques. Elles montaient jusqu'aux solives carrées du plafond et se terminait par une corniche sculptée avec un calme et une patience que nos ouvriers n'ont plus aujourd'hui. La cheminée, d'une ouverture gigantesque, avait pour entourage une vieille porcelaine bleue de Delft, pour fond une plaque où l'on voyait en relief la naissance du Christ traitée avec une vérité chirurgicale un peu trop naïve, pour ornement de landiers en fer forgé à pommerons dépolis. Primitivement en tuiles de faïence, Le carrelage n'avait pas pu être conservé. On l'avait remplacé par un parquet longtemps séché sur une butte de four. Cet intelligent sacrifice, à des exigences de bien-être et de confort, s'était étendu à l'ameublement. Les chaises n'avaient rien d'antique, mais larges, garnies en cuir de Russie, solides sur leurs pieds. Elle disait tout de suite qu'on pouvait rester assis sur elles, longtemps, sans fatigue, et se renverser sur leur dos incliné pour causer tout à l'aise. Vis-à-vis l'un de l'autre étaient deux dressoirs, dont les panneaux en marbre sarrancolin s'enchâssaient dans une monture en vieux chêne. Les tablettes supérieures formaient jardinière, et d'un foyer de géranium rouge jaillissaient les feuilles en éventail d'un groupe de dattiers. Au panneau de la boiserie étaient suspendues quelques toiles, souvenirs de camaraderie ou d'amitié. Comme chez ceux dont la vie est occupée, le dîner était le moment de la causerie et de l'intimité. Séparés le plus souvent pendant le jour, ils étaient heureux de se trouver enfin réunis dans une heure de liberté. On se rapportait les incidents de la journée qui venait de finir, on discutait et on disposait le lendemain, et à écouter le babil et les histoires des enfants, on s'attardait sans compter le temps. Ami d'enfance de Martel, connaissant Armande depuis longtemps, son confident pendant les pénibles années de son premier mariage, Charvet ne gênait en rien cette expansion. Depuis 3 mois, il habitait le Plessis où Martel lui avait donné asile dans un moment de détresse, le plus lamentable de tous ceux qu'il eût déjà traversé. Car toujours préoccupé de projets magnifiques, il s'était embarqué dans une belle affaire qui devait lui ouvrir, suivant les calculs les plus précis, les portes de la fortune, et qui ne lui avait ouvert, en fin de compte, que celle de Clichy. Les injures de quelques créanciers au lieu des bénédictions de la France entière, le coup avait été rude. Et cependant, même quand il y pensait encore, quelle affaire s'était jamais si bien présentée. Une machine pneumatique pour distribuer les tanks de la baie du Mont-Saint-Michel dans les départements de l'Ouest et fertiliser ainsi les terres les plus incultes. La fortune publique se trouvait décuplée, et avec le bien-être marchait la civilisation. Quelques esprits aussi solides que le sien, vivant comme lui dans l'espérance de ce fameux million que tant de gens attendent en usant l'asphalte du boulevard, s'étaient enthousiasmés pour cette idée. On avait créé une compagnie, ouvert des bureaux, on avait fait des prospectus dans un style digne de tête plus littéraire que pratique. L'océan déverse annuellement sur la plage du Mont-Saint-Michel un sablon très fin, etc., etc. Tout cela n'avait produit qu'une lourde chute pour Charvet, directeur en titre, qui, au moment où Martel l'avait rencontré, se débattait contre les agréés du tribunal de commerce. Installé au Plessis, il avait enfin trouvé ce qu'il n'avait jamais connu, le repos et la vie matérielle assurée pour le lendemain. Une fois, au temps de sa première jeunesse, il avait aimé, mais ce n'avait été qu'un court rayon de soleil dans une journée grise. En échange de cet amour où il s'était donné tout entier, il avait été abandonné et n'avait même pas connu l'enfant dont il était le père. Dans ses 40 années de souvenirs, il n'en avait pas un qui lui rappela un succès ou lui remua le cœur. Seul et pauvre, quand il avait commencé la vie, il avait toujours été, il était encore pauvre et seul. Des gens qui ne le valaient pas l'avaient devancé, poussé hors du courant qui les portait, écrasé lorsqu'il les gênait, et le monde des lettres lui avait été aussi dur que le monde des affaires. Malgré tout, sans colère comme sans envie, consolé du passé par une foi robuste dans l'avenir, son cœur était resté ouvert à l'enthousiasme et à tous les sentiments de la jeunesse. L'expérience ne l'avait point atteint. Le rêve était pour lui la réalité à poursuivre, la réalité, le rêve à dédaigner. Quel bonheur c'était pour lui que cette vie de famille, qu'il n'avait jamais connue, quelle douceur d'aimer et de caresser ses enfants. Très heureux des offres du prince, Charvet n'en fut pas du tout surpris. Il s'attendait à bien d'autres succès pour son ami, et il employa une partie du dîner à prouver par raison démonstrative que la démarche de M. de Coy devait nécessairement être faite dans un temps donné. « Je n'ai jamais vu ton pareil, » interrompit Martel en riant. « Il n'y a que la mauvaise fortune qui te surprend. Tu te réveillerais demain millionnaire ou ministre du progrès, que ça te paraîtrait tout naturel. Seulement, si tu te réveillais à Clichy, tu ne pourrais jamais comprendre par quel chemin tu y es arrivé. Assurément, j'ai tout fait pour être millionnaire et rien pour entrer à Clichy. » Aussi n'es-tu pas un millionnaire. Et sans toi, je serai Clichy, peux-tu ajouter. Mais cela ne détruit en rien mon raisonnement. Ainsi, il fut interrompu. À table, les enfants étaient placés auprès de leur mère, et c'était elle-même qui les servait. Mais lorsque Victorine avait un caprice ou voulait quelque chose, c'était à Martel qu'elle s'adressait et non à sa mère. On allait arriver au dessert, et l'on venait de manger des petits pots à la crème. Il en restait un dans l'assiette. Victorine et Julien le voulaient, et tous deux se devinant, chacun cherchait un moyen pour l'avoir. À un certain moment où Julien tourna la tête vers le jardin, Victorine fit tout bas sa demande à Martel. Celui-ci, qui écoutait Charvet, n'entendit pas. Alors, n'y tenant plus d'envie, elle répéta sa demande tout haut cette fois. Mais à ce moment, Julien, qui se vit perdu, se souleva sur sa chaise, étendit son petit bras et atteignit le pot. Victorine se mit à réclamer. « Je l'avais demandé, je l'avais demandé !»« On pourrait le partager, » dit Charvet, intervenant en conciliateur. « Non, » dit Martel, « Victorine l'avait demandé, Julien ne devait pas le prendre, qu'il le donne à sa sœur. » « Allons, donne-le, mon petit Julien, » dit Charvet. « Elle va t'en rendre la moitié, » ajouta-t-il tout bas pour calmer ses pleurs. Mais Victorine ne rendit rien du tout et se mit à manger d'un air de défi et de triomphe. Armande avait observé cette petite querelle sans intervenir. Quand elle vit les regards que Victorine lançait à Julien, un nuage de tristesse passa sur son visage, puis tout de suite, comme si elle voulait faire une diversion. « Venez-vous avec nous ce soir ? » dit-elle en s'adressant à Charvet. « Nous allons demander la main de la Liselle pour Méduline. »« Non merci, pas ce soir, j'ai à travailler. »« C'est une jolie promenade ?» continua Martel. « La Liselle est avec les moutons à la pièce des Bossettes. Ne me tente pas. Je crois que je finirai mon article ce soir, et je veux profiter de la veine. Je suis content de ma conclusion. Je crois qu'elle produira son effet. Sais-tu de quelle manière Swift voulait soulager la misère irlandaise ? Il disait qu'on pourrait tirer un grand parti des enfants qui pullulent sur les routes, lequel consistera à les vendre comme viande de boucherie. Car un enfant en bonne santé et bien nourri est assez vieux à un an pour fournir une excellente nourriture, substantielle et saine, rôtie, cuite au four, bouillie et même en fricassée. Le remède que je propose à la misère des artistes est dans ce genre-là. Je crois que ça portera un coup. Tu le porteras aussi bien demain. Non, parce que demain je voudrais aller à Paris. Peut-être vais-je vous quitter. Es-tu fou ? Nedo Peuskin veut faire une tournée en Angleterre. Il ne sait pas un mot d'anglais et il me propose de l'accompagner comme interprète. Et tu vas te mettre à la suite de ce charlatan. Nedo Peuskin n'est point un charlatan. Il est un puissant médium et l'aider dans son œuvre, c'est servir la science de l'avenir. Prouver l'âme, c'est prouver Dieu. Alors va travailler. Seulement, je t'en prie, si tu n'obéis pas à un devoir en accompagnant ton prophète, reste avec nous. Les Anglais ont assez de médiums sans ton illuminer. Quand tu seras prête, ajouta-t-il en s'adressant à Armande. Vous coucherez les enfants à 9 heures, dit celle-ci à Marie-Ange qui entrait. Viens dans le jardin, dit Julien à Charvet. Non, il faut que je travaille. Un peu seulement, dit Victorine. Tu travailleras après. Tu vas faire le cheval, Julien te montera sur le dos et je te conduirai par la bride. Je veux bien, mais pas plus d'un quart d'heure. Hue ! Crièrent les enfants. Lorsqu'Armande et Martel traversèrent la cour de la ferme, ils la trouvèrent remplie de moissonneurs belges qui venaient demander à coucher. Dans l'île de France, la Beauce et la Picardie où les terres ablées occupent de grandes plaines, les ouvriers du pays ne suffisent plus aux travaux lorsqu'arrive le moment de la récolte. C'est alors que les ouvriers belges viennent offrir leurs bras, et il n'est personne qui, pendant les mois de juillet et d'août, n'en ait rencontré le long des grandes routes, marchant pieds nus sur le gazon des bas-côtés, portant au bout d'un bâton garni d'un crochet de fer cette petite faux qu'ils nomment une sape, leurs souliers qu'ils n'en gardent d'usés, et dans un mouchoir de cotonnade leur léger bagage. Ils font ainsi les 100 ou 150 lieues qui les séparent de Paris ou d'Orléans, cheminant tout le jour, couchant la nuit dans les granges et les bergeries. Comme on ne les nourrit point dans les fermes où on les embauche, ils apportent de leur pays un petit pot de beurre qui fournira leur principal repas. Pendant tout le temps de la moisson, ne buvant que de l'eau, ne fumant que le peu de tabac qu'ils ont aussi apporté, ils n'auront à acheter que du pain. Par ces privations, unies à un travail de 15 à 16 heures par jour, ils économiseront une somme de 200 ou 250 francs avec lesquels ils vivront au pays, eux, leurs femmes et leurs enfants tout le reste de l'année. En arrivant au Plessis, Martel avait établi pour règle qu'on tremperait la soupe à tous ceux qui demanderaient à coucher. Or, comme le Plessis est une étape, ce n'était pas trop à certaines saisons que de grandes marmites. Car si en hiver on ne voyait que quelques mendiants et des saltimbanques pauvres, en été, les sapeurs belges passaient 2 fois par la cuisine. Au mois de juin, lorsqu'ils allaient se louer vers la Loire, au mois d'août, lorsque la moisson étant finie par là, ils venaient faire celle qui allait commencer vers la Somme. cette hospitalité n'était pas bien coûteuse pour le fermier. Pour le peintre, elle était une curieuse étude. Tous les soirs, il venait s'adosser à la cheminée, et il voyait défiler devant lui ses esclaves du travail, qui tous, jeunes ou vieux, hommes ou femmes, exténués de fatigue, durcis par le hâle, tannés par le soleil, maigris par les privations, desséchés par la sueur, encroûtés de la poussière des terres brûlantes sur lesquelles ils s'étaient courbés, attendaient avec la placidité des animaux que la cuisinière remplit de bouillon l'écuelle dans laquelle ils avaient taillé leur pain. Aussi le connaissaient-ils tous, et lui-même, passant au milieu d'eux, en reconnut-il un grand nombre qu'il salua par leur nom. Arrivé sous la grande porte, il trouva, se tenant un peu à l'écart, une bande de musiciens allemands, de ces pauvres diables qui tous, bâtis sur le même modèle long et mince, coiffés de la même casquette, vêtus de la même redingote à petits boutons, viennent nous jouer sur leurs clarinettes et leurs cuivres les douces valses de leur pays. En apercevant le maître et la maîtresse de la maison, d'un même mouvement et avec un ensemble parfait, ils ôtèrent leurs casquettes. « Si une assiette de soupe vous est agréable, » dit Martel en leur rendant leur salut, « entrez à la cuisine. »« Fui, s'il faut, les pieds, » répondit le chef de la bande en riant de ce rire allemand qui est une sorte de remerciement pour ce qu'on a dit et d'encouragement pour ce qui reste peut-être à dire. La pièce des bossettes où les moutons parquaient en ce moment était à près d'une heure de la ferme. Mais le soir avait apaisé la chaleur. Les feuilles des arbres immobiles tout le jour, sous le rayon du soleil, commençaient à bruire, ranimées par un souffle frais. Les tiges des plantes inclinées vers le couchant se redressaient. Des champs qui n'étaient point encore dénudés, des sentiers herbus, des fossés montaient une douce fraîcheur, et la route à faire à travers la plaine éclairée des lueurs roses restées au ciel était un vrai plaisir. Au loin, dans les chaumes, on entendait le cri articulé des cailles et des perdrix qui ressemble si étrangement à un langage humain. « Je crains bien, » dit Martel en marchant auprès d'Armande, « que nous ne réussissions pas avec la Liselle. S'il ne refuse point franchement, il trouvera des détours. Il mérite bien son nom de Jean le Fin. Puisque de lui-même, il n'a pas voulu épouser Méduline, il n'est guère probable qu'il se laisse décider par nous. Ce n'est pas épouser Méduline qui est maintenant le principal, c'est légitimer leur enfant. » Est-il un homme à ne pas sentir que tout lui en fait un devoir? Si tu lui fais comprendre quelle est la position de ce pauvre petit, il me semble qu'il en sera touché. Ne compte pas trop là-dessus. Dans ce pays-ci où la moitié des filles a des enfants, on est peu sensible à ces idées de devoir, et Jean le Fin doit en être l'esclave au moins que tout autre, lui qui passe pour avoir depuis 2 ans mené à Paris 3 filles embarrassées de leur grossesse. Enfin, nous essaierons de tout. Pauvre Méduline, elle pleurait en me demandant de parler pour elle. Elle a une peur terrible de la Lise, et il a fallu le fond d'honnêteté qui est en elle pour la décider. Sa faute, telle qu'elle me l'a contée, m'a tout émue. L'année dernière, comme elle était malade, le médecin de Villeneuve lui a dit que si elle continuait la broderie, elle deviendrait poitrinaire. C'était au moment de la moisson. Elle se loua comme ramasseuse au père Groseillier. La pièce qu'ils avaient à faucher était pleine de chardons. Ses mains n'étaient pas habituées à pareil travail. Elle ne tarda pas à voir les doigts dans un état pitoyable. Ce n'était qu'une plaie. Tous les autres se moquaient d'elle et la renvoyaient à sa broderie. Le père Groseillier criait toute la journée parce qu'elle n'allait pas assez vite. La Liselle était précisément à ce moment-là avec le parc auprès de leur pièce. Au lieu de se moquer, il la plaignit. Il passe pour médecin. Aux heures de repas, il venait s'asseoir auprès d'elle et après lui avoir retiré les plus gros dards, il lui pansait les doigts. Elle était heureuse de ces marques de bonté. Son cœur se laissa prendre. Elle s'interrompit. Ils étaient arrivés au-dessus d'un petit vallon, et au-delà des têtards de saules, à travers le crépuscule bleuâtre, on apercevait dans un chaume les clés du parc et la cabane. Une voix qui parlait du fond du ravin chantait en se rapprochant. Il était un cantonnier, sur la route de Louviers, qui cassait des tas de cailloux pour mettre sur le passage des roues. Quand soudain vint à passer un monsieur en cabriolet qui lui dit « Pauvre cantonnier, tu fais là un fichu métier. » C'était un faucheur qui, la fosse sur l'épaule et le panier au bras, regagna le village. « Ah, monsieur Martel, » dit-il lorsqu'il les croisa, « il y a là, au fond du rue, une brebis égarée que je crois bien à vous. Merci, Thiéphine, nous allons au parc, nous la chasserons devant nous. Faut pas m'en vouloir, dites donc, si je ne l'ai pas menée, mais Jean le Fin m'aurait dit qu'elle n'était pas perdue. Il n'aime pas qu'on se mêle de ses affaires. » Pas commode qu'il est, vous savez bien. » Soulevant le bord de son vieux chapeau de paille, il reprit son chemin, les reins voûtés, marchant à pas longs et lourds, dans ses gros sabots et chantant. Le cantonnier lui répond, sans faire plus de façon, « Si je roulions carrosse comme vous, je ne casserions pas de cailloux. » Cette réponse, qui se fait remarquer par sa grande simplicité, vous prouve que les malheureux, s'ils le sont, c'est malgré eux. « Encore un, » dit Martel, qui a peur de la liselle. Il a peur d'être ensaboté. Je parierais qu'il le croit sorcier. Le voisinage de Paris ne leur ouvre l'intelligence que pour les vices. La liselle était assis contre sa cabane, le dos appuyé à l'une des roues. Il soupait. Posé devant lui sur leur derrière, ses deux chiens attendaient qu'il leur jetât un morceau de pain. Dans le parc clos, les moutons tassés les uns contre les autres bêlaient. Quand il vit une brebis ramenée précisément par celui qui dut ignorer cette perte, il justifia sa réputation de n'être point commode. Seul, il eut probablement à moitié assommé la bête. Devant le maître, il passa sa colère sur les chiens qui lui appartenaient. Martel voulut intervenir. « La brebis perdue, » dit la liselle, « je vous l'aurais payée. À eux de me la payer, c'est leur faute. » Et il recommença à les rouer de coups. Sans oser se sauver, les pauvres bêtes s'aplatissaient sur la terre et gémissaient. « Finissez donc, » dit Armande, « il y a de votre faute aussi. »« Ah, notre dame, un malheur !»« Écoutez-moi, » dit Martel, « nous avons à vous parler. » À ces mots prononcés avec autorité, il releva la tête. La nuit était venue, mais une belle nuit bleue d'une transparence profonde qui laissait voir au loin. Armande n'avait jamais fait grande attention à son berger. En regardant sa mine chafouine et rabougrie, ordinairement d'une placidité voulue, mais où la colère venait de faire sourdre le naturel, elle se demanda si pour Méduline, mieux ne vaudrait pas que la liselle refusât. « Il ne m'appartient pas, » poursuivit Martel, « de vous demander pourquoi depuis un an vous n'avez pas épousé Méduline. Mais aujourd'hui Méduline va entrer à notre service, où elle gagnera 300 francs. » Il insista sur ces mots. « Vous y êtes déjà, et je voudrais savoir quand vous comptez l'épouser. Vous savez que je ne veux pas de ces situations-là chez moi. Pardon, mais quelle situation? Pourquoi sans vous commander que j'épouserai Méduline? Pour votre enfant, » interrompit Armande avec une indignation contenue. « Mon enfant, à moi, un malheur. N'est-il pas le vôtre? Tout le monde le dit. Tout le monde, c'est bien du monde. Est-ce qu'elle le dit elle aussi, la Méduline? Je serais curieux de savoir à qui elle l'a dit. À moi. À vous. Ah, vraiment, Notre-Dame. Mais moi, je dis que non. Oui, je dis que non. J'ai bien joué avec elle, ça c'est vrai. Je l'ai guéri des doigts, c'est vrai aussi. Mais voilà tout. Voyons là, notre maître, entre nous. Croyez-vous, je vais m'amuser à faire un enfant à une fille qui n'a rien? Je ne serai donc plus Jean Lefin. Un malheur. Elle va gagner 300 francs. 100 écus, oui, c'est une somme. On en ferait bien des enfants à ce prix-là. Mais celui qui est né, faut-il donc que je lui donne mon nom à la mairie sans en être le père? Ça serait-il juste et d'un honnête homme? Vous ne persuaderez personne que vous n'êtes point le père de cet enfant. Pour moi, vous l'êtes, et j'estime que vous devez épouser Méduline. Vous ne resterez donc point tous deux à mon service dans les conditions où vous êtes, et je vous le dis franchement, comme je tiens plus à elle qu'à vous, c'est vous qui partirez si vous refusez de faire votre devoir. Vous parlez d'être un honnête homme, montrez si vous l'êtes. C'est comme ça, dit la liselle en abandonnant son ton doucereux. On partira. Votre service n'est déjà pas si doux. S'il faut épouser les filles qui ont des enfants, bonsoir. » Sans ajouter un mot, il leur tourna le dos et s'en alla de l'autre côté du parc. Ils l'entendirent qui grommelait entre ses dents. Puis ils entendirent aussi le hurlement plaintif d'un des chiens auquel il venait sans doute d'allonger un coup de pied. « Voilà un bon berger de perdu, » dit Armande, comme il redescendait dans la prairie. « Un bon berger, oui, mais c'est un mauvais homme. Il ne faut pas le regretter. Le pays va en être débarrassé, car il ne trouvera pas de place ici, et il est trop paresseux pour faire autre chose. D'ailleurs, je n'aurais sans doute pas pu le garder avec les changements que je projette et que je veux te soumettre. Quel changement? La commande du prince va prendre tout mon temps pendant 1 an ou 18 mois, et cela juste au moment où les travaux de la ferme auraient besoin de toute ma surveillance. Les comptes arrêtés en juillet ont montré que nos bénéfices avaient été très beaux. Si mes calculs sont justes, ils doivent aller s'augmentant encore pendant 2 ou 3 ans. Pour arriver à une moyenne toujours à peu près pareille. Seulement, c'est à condition que je tiendrai tous les détails dans ma main, comme je l'ai fait jusqu'à présent. Or, cela va devenir matériellement impossible. Dans ces conditions, j'ai pensé à prendre pour aide Bigache, mon cousin. N'a-t-il pas une position? J'ai reçu de lui tantôt une lettre où il me dit qu'il est libre. Bigache a été un des meilleurs élèves de la ferme de Grignon. Établi fermier à 22 ans en Picardie, il s'est promptement ruiné. Il lui manquait l'expérience et le capital, car mon oncle n'était pas riche. Il est alors entré chez les frères Cartier comme directeur de leur exploitation agricole et industrielle. Il y serait encore si les frères Cartier ne venaient pas de se mettre en faillite, mais leur ferme n'est pour rien dans leur déconfiture. Bien entendu, je ne pourrais pas offrir à Pigache les appointements qu'il perd. Cependant, ceux que nous pouvons lui donner sont encore très suffisants. D'autant mieux qu'ils pourront être augmentés d'une façon incidente, si cela te convient. Tu sais bien que tout ce que tu fais me convient. Je sais que tu es la meilleure des femmes, mais ici il s'agit d'une lourde responsabilité que je voudrais partager. Il s'agit de nos enfants. J'aime Victorine comme si elle était vraiment ma fille, et j'espère que tu n'as jamais remarqué de différence dans ma tendresse pour elle et ma tendresse pour Julien. Cependant, à vrai dire, je ne suis pas le même pour tous deux. À Victorine, je passe tout de parti pris, tandis qu'envers Julien, je suis tel que les circonstances le veulent. Et toi-même, tu fais une différence entre eux. Je ne dis pas dans ton amour maternel, mais dans la manière d'être. Avec Victorine, tu es d'une indulgence voulue, comme si tu craignais toujours que dans une marque de juste sévérité, elle ne pût voir de la dureté et de l'injustice. Tu lui donnes raison dans ses querelles contre son frère, et tu lui cherches des excuses même quand elle n'en mérite pas. Ce n'est pas un reproche, au moins. Il m'atteindrait aussi bien. Le sentiment auquel nous obéissons est le même. Mais en agissant ainsi tous deux, sans nous être entendus, n'allons-nous pas contre nos intentions? Le moins qui puisse arriver, c'est de faire souffrir Julien et de le rendre jaloux. Mais laissons Julien de côté en ce moment. Victorine est assurément plus vive d'intelligence que ne le sont les enfants de son âge. Et avec cela, il y a en elle une tendresse expansive qui exalte son caractère naturellement jaloux. N'est-il pas à craindre que nous la gâtions? Déjà, elle abuse de notre faiblesse, qu'elle a très bien reconnue. Elle est ton maître, le mien, et le tyran de son frère, ce qui n'empêche pas sa jalousie d'éclater à propos de tout. Elle arrive à un âge où il va falloir absolument la diriger. Au prix de quels efforts de volonté? Qui de nous la domptera? Comprendra-t-on notre sévérité après notre indulgence? C'est bien ce qui me tourmente. C'est mon seul chagrin dans ma vie si heureuse. Eh bien, je crois avoir trouvé un moyen de concilier tout. Veux-tu la mettre en pension? Non. Je ne te proposerai jamais de l'éloigner de nous. Je veux au contraire que nous puissions la garder toujours. En venant ici, Pigache amènerait naturellement sa femme. Or, Madame Pigache, avant son mariage, était institutrice des demoiselles Cartier. Elle est, dit-on, fort instruite. Et parce que j'ai pu voir, elle m'a paru intelligente et agréable. Si cela te plaît, elle pourrait élever Victorine et même, plus tard, préparer Julien à entrer au collège. C'est ainsi que je comprends que les appointements de Pigache pourraient être augmentés. Ce serait par ceux de sa femme. Voilà mes projets. Pour Victorine, ils vont au-devant de mes désirs. Pense-y, moi-même je les retournerai, rien ne presse. Dans quelques jours nous en reparlerons. Aujourd'hui, je n'y vois qu'un danger, c'est une intimité gênante avec Pigache et sa femme. Mais il est bien entendu qu'ils ne demeureront point à la ferme. Il y a assez de maisons vides dans le Plessis. Il marchait lentement dans la plaine. Elle s'appuyait sur son bras et il réglait son pas sur le sien. La nuit était douce et sereine, sans lune, avec peu d'étoiles au ciel, mais cependant si lumineuse que les arbres, les buissons, les gerbes couchées dans le chaume, tout ce qui faisait relief sur la terre conservait sa forme et ses contours. Dans l'air frais était répandue cette senteur chaude et fortifiante qu'on pourrait appeler le parfum de la moisson. C'était le soir d'un beau jour d'été où l'on respire librement et où l'âme se sent forte et tranquille. « Te souviens-tu, dit Martel, d'une de nos promenades, il y a 4 ans, dans la forêt de Sénart, tu enviais ceux qui vivaient à la campagne. Je me souviens aussi de mes rêves d'alors, comme ils ont pâli devant la réalité. Il y a 4 ans, qui m'aurait dit que je serais si heureuse, moi, qui n'osais regarder l'avenir, et qui me sens maintenant si confiante, si assurée? Aujourd'hui sera demain, et toujours. Ah, mon ami, quelle vie tu m'as faite, que je t'aime !» Une fanfare éclatante retentit dans le calme de la nuit, et un bruit de voix joyeuse arriva jusqu'à eux qui les fit tressaillir. « Les musiciens allemands, » dit-il. Ils ne se trompaient pas. C'étaient les musiciens allemands qui, pour payer leur hospitalité, faisaient danser les gens de la ferme dans la prairie. Formant cercle autour d'eux, se tenaient debout quelques moissonneurs belges, trop fatigués ou trop dévots pour danser. 3 grosses lanternes de voiture éclairaient le terrain. « Si tu n'es pas lasse, » dit Martel, tu pourrais leur faire le plaisir de danser avec l'un d'eux. Je veux bien, mais à une condition, c'est qu'après cette contredanse, nous ferons ensemble un tour de valse. Au moment où la valse s'achevait, Godalier, le maître charretier, s'approcha de Martel. « Il y a là, dit-il, un homme qui demande à coucher cette nuit et à travailler demain. C'est lui qui est là-bas, appuyé sur son bâton. Il n'a ni papier ni livret. » Il montra un homme de 40 à 45 ans, aussi misérablement vêtu peut-être que les moissonneurs qui l'entouraient, mais de cette misère qui ne porte point avec elle les traces rassurantes du travail. « Vous demandez du travail ?» dit Martel en s'approchant de lui pendant que les musiciens recommençaient une nouvelle contredanse. « Que savez-vous faire ? Ce qu'on voudra. Comment cela ? J'étais fermier avant d'être ce que je suis. D'où venez-vous ? De loin. Vous n'avez pas de papier ? Êtes-vous le maire ? Non. Mais si vous aviez un livret, j'aurais peut-être pu vous employer. J'ai besoin d'un berger. Avez-vous du pain ? Non. Avez-vous soupé ? Non, n'est-ce pas ? Entrez à la cuisine. Si vous avez des allumettes et du tabac, vous les donnerez à garder. On vous les rendra demain matin. On ne fume pas dans la ferme. Ça, c'est juste, mais je n'ai pas plus d'allumettes que de tabac. Pas plus de tabac que de pain. Quel est cet homme ? Demanda Armande, comme il se dirigeait vers la porte de la ferme. Un pauvre diable qui probablement se fera ramasser demain par la gendarmerie. Mais ce n'est pas une raison pour qu'aujourd'hui nous ne le laissions coucher dehors et sans souper.